On va parler de golf. C'est le Master qui est actuellement à Augusta. On en parle avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge. Bonjour Danny. Fait bizarre, hein, Serge, un Master en plein mois de novembre, hein? Ben, ça fait drôle parce que c'est la première fois, d'abord, en raison de tout ce qui se passe à travers le monde, c'est la première fois que les golfeurs partent à 7 heures le matin. Sur deux trous, le premier et le 10. Okay. Parce que en plein mois de novembre, il fait noir beaucoup plus tôt. Ouais. Alors, au mois d'avril, on vit pas ça. Fait qu'au mois d'avril, ça part un peu plus tard, puis ça finit plus tard. Parce que les journées rallongent, tandis que présentement, c'est le contraire. Alors là, on est obligé de faire des pirouettes et partir à 7 heures le matin. Et en plus, il y a eu de la pluie pour débuter le tournoi. Donc, ça a retardé de 3 heures. Alors, ça nous donne comme exemple qu'on ne pourra pas savoir qui va jouer les 3e et 4e rondes, on appelle ça la cote, là, ouais. Avant demain matin. OK. Avant samedi matin, parce que il y a des gars qui viennent de partir il y a une demi-heure, une heure, qui sont partis, mettons, comme exemple, à 2h30, 3h vendredi après-midi, puis qui ne pourront pas finir leurs 18 trous. Donc, ils vont finir demain matin. Okay. Alors, à ce moment-là, ben, ça change toute la donne pour savoir qui ne sera pas là ou qui sera là pour jouer les 3e et 4e rondes à partir de samedi. OK. Donc, les conditions, comment elles sont, hein? Les conditions sont très bonnes, mais par contre, le terrain commence à être de plus en plus difficile. OK. Et les verts surtout, parce que ce sont des verts très rapides. Puis vont l'être encore plus pour les deux dernières rondes. Alors, c'est là que ça joue. On sait que ces gars-là peuvent tous frapper en haut de 300 verges, ou la majorité, là. Et ça joue sur les coups roulés. Et là, évidemment, lorsqu'on regarde la situation au moment où on se parle, il y a 4 golfeurs à moins 9, okay, comme leader. Okay. Et là-dessus, il y en a 2 qui ne sont pas dans les favoris, Smith et Anser. Même si ce sont d'excellents golfeurs, ils font pas partie de la crème des golfeurs. Ben non. Par contre, Justin Thomas et Dustin Johnson, qui est le meilleur golfeur jusqu'à maintenant cette année, ben, ils sont à égalité en tête eux aussi. Alors, on devrait, en principe, avoir toute une fin de semaine de golf. OK. Tiger, là-dedans, est-ce que... Ben là, il joue actuellement, au moment où on enregistre le podcast, c'est ça? Oui. Tiger, il est à moins 4. C'est okay. Loin d'être mauvais. Phil Mickelson est à moins 5 aux dernières nouvelles. Alors, ces gars-là vont jouer en fin de semaine, assurément. De là à gagner, c'est une autre histoire, là. Ceux qui ont le plus de misère à date, là, c'est DeChambeau et Rory McIlroy. Malgré que McIlroy... Oui, mais DeChambeau, c'était le grand favori parce qu'il frappe, il frappe tellement loin. Sauf que, je vais vous donner un exemple, il a frappé une balle à peu près à 375 verges à gauche du verre dans l'herbe longue. Et malgré qu'il était une douzaine de personnes à chercher la balle, ils ne l'ont jamais trouvée. Alors, DeChambeau était obligé de retourner au départ, puis il a fait un triple bogey. Okay. Ça l'a complètement sorti du tournoi. Là. Sur un par 4, il a joué 7. Alors, DeChambeau, malgré que tu as beau frapper un mille au golf, c'est la finition puis le putting. Et là, DeChambeau, en fin de semaine, ben, il va probablement être là parce qu'il avait pas mal joué jusque-là. Mais de là, aller parmi les meneurs, il s'est presque éliminé lui-même. Puis c'est malheureux parce que le rough, comme on dit, était tellement long qu'ils n'ont jamais trouvé sa première balle. Et quand il est parti pour aller jouer l'autre trou, il y a un spectateur qui a... spectateur, il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y a quelqu'un qui était probablement parmi les officiels qui a trouvé la balle. Fait qu'imagine, 2 secondes, il était trop tard parce qu'il avait fini le trou. Alors, à ce moment-là, ben, il est obligé de faire un triple, malheureusement, un triple bogey qui l'a sorti du tournoi. OK. Ça va être intéressant à suivre au cours de la prochaine fin de semaine. Serge, un gros merci. On s'en reparle quelque part lundi pour faire le bilan du Master. On avait fait comme un genre de pool là, pour savoir qui pourrait gagner. Moi, j'avais pris Dustin Johnson. Donc, je suis bien placé. Égalité en tête présentement. Ouais. Moi, je pense que c'est le meilleur golfeur sur la PGA présentement, même si Thomas est pas loin. Là, il est à égalité. Mais il reste un fait, c'est que ces deux-là n'ont jamais gagné le Master. Mm. Alors, ça va être intéressant. Lundi, lorsqu'on va se reparler, là, j'ai bien hâte de voir qui va être capable d'avoir les nerfs pour finir premier. Serge, on s'en parle bientôt. Notre ami Serge Cloutier qui nous parlait du Master.